Boulouac. 89. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alessandra Carignan nous fera écouter un artiste qu'elle adore dans sa boîte à musique. Et on apprendra les choses avant le tri, inévitablement, dans cet effet. L'assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, je m'appelle Mathieu Plante. Moi c'est Stéphanie Paradis. Oui, on est en direct des studios CIFO à Trois-Rivières en ce lundi 10 novembre 2014. Ouais, tellement. Enfin de retour dans notre petit studio tout confortable. Enfin, la fin de semaine est finie, pouvais plus de commencer cette semaine-là. En effet, toi peut-être que c'est vrai ce que tu dis là, moi par contre je suis quand même heureux d'être de retour à la maison parce qu'en fait cette semaine c'était le grand tournoi d'improvisation Paradox 2014. Ok, puis c'était plat? Non, c'est super le fun, mais c'était Non, mais parce que c'est loin de chez moi. Ah ouais. Loin de chez moi, à Lévis. T'es pas habitué d'aller si loin de chez toi? Pas habitué, non. Avec des gens que je connais pas tant que ça, mais tu sais, on a commencé à se rapprocher un petit peu peut-être. Mais c'était le fun, c'était bon. Vous êtes rapprochés, il y a eu des rapprochements. Ah ben, Colin. Entre joueurs et animateurs. Ah. Ouais, c'est ça. Des rapprochements, en tout cas, peu importe, mais d'amitié peut-être. Donc, le tournoi Paradox, la lutte n'a pas remporté rien. Une victoire, deux défaites, mais quand même. Une victoire, c'est bien. Ben oui, le respect de ses coéquipiers, ben d'avoir livré un match sans merci. Et voilà, 20 équipes participaient à ça, c'était bien. Oh, quand même! À Lévis! D'ailleurs, il y a un match de la lutte ce soir, on en reparlera peut-être plus tard. Mais pour l'instant, le plan d'aujourd'hui, Steph, on a Alexandra Carignan qui va être là à 8h pour sa chronique La boîte à musique. Elle nous présente un artiste ou un album ou quelque chose de musical qu'elle a à nous faire découvrir finalement. Quelque chose qui joue, la c'est musique. Ça. Et elle monte à 8h et à 9h avant. Ensuite, à 8h30, lui, on le fait descendre une demi-heure. Donc, David Ferron et ses notes salées. Aujourd'hui, Steph, j'ai sa thématique dans ma poche. On dirait qu'on a pris l'émission et tu l'as un peu brassé. Les chroniqueurs se sont toutes mélangés. Ça donne ce que ça donne. Donc, le thème aujourd'hui, c'est dur les tympans de la mère à Steph. C'est moi, ça? La mère à Steph. Oui, c'est toi. Stéphanie Paradis. Ouais. Donc, on va faire ça avec lui à 8h30. À 9h, on fera C'est un fait. Oh, on va débuter l'émission juste là avec son foutu palmarès. C'est le mois de novembre qui continue de commencer. Hein? Oui. On va parler ensemble de choses à faire en novembre, à célébrer. Ah, à célébrer, ça pourrait être bien parce que mon novembre, en général, c'est plat. C'est plat d'habitude. Ta fête est passée. Ouais. Quoi faire après ça? T'sais. Noël, c'est juste dans un mois minimum, 2 et demi. Je te dirais que les gens sont peut-être un petit peu trop intenses sur le Noël au mois de novembre. Mais ça prend clairement une fête au mois de novembre pour couper ça. Parce que, écoute, hier, j'étais allée au Stokes de Noël. Il y avait de la musique de Noël. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On va se trouver parmi la liste une fête qu'on va nominer, envoyer directement au pape. Qui va, j'espère, pouvoir propager la bonne nouvelle. Mais avant ça... Propager... Comment? Popager. J'ai dit cette semaine, j'ai dit au camp de. Pas au camp, au truc de paradoxe d'improvisation, j'ai dit que je voulais potager mon potage. Que je voulais potager. Justement, il faut récolter nos légumes, faire un potage. Voilà. Donc, ça prend un potager. C'est ça, et des légumes. Donc, on commence avec une pièce de 2 pouilles en cavale. Voici, la semaine commence. Si Deux pouilles en cavale, la pièce Oui, mais là, sur le palmarès francophone de C'est fou, vous êtes Assemblage Requis. Il y avait un petit bout intense dedans, mais je pense que ça allait bien, somme toute. Ça réveille. Ouais. Ouais. Assez intense. Ouais, ceux qui mettent l'encadrant à 7h37. C'était là que ça se passait. Ça se passait là. Ce qui nous amène à faire la liste des heures à laquelle on peut se lever le matin. Non, c'est pas ça la liste du tout. C'est juste une liste de choses au hasard. Voici son foutu palmarès. Elle a trouvé tellement longue, j'ai eu le temps de manger ma pastille, d'en prendre une autre, la chasser au complet, la manger à la fin. Ouais, tabarouette, T'as la langue qui veut faire des mouvements de va-et-vient en accéléré, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, un affaire de même, là. Chose comme ça, mais moins sexuelle, peut-être. Non. Exactement sexuelle. Fais une joke de suçage dans ta tête, puis c'est exactement ça que je voulais faire. Génial. Steph, c'est son foutu palmarès, c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet précis. Et aujourd'hui, j'ai préparé une petite liste, en fait, mental face de préparer. Une liste des fêtes qu'on peut célébrer dans le mois de novembre. On est quoi, le 10 novembre, mais on a le tiers de fait, environ. Il nous reste du temps pour célébrer ça. Quand même. Ben oui. Mais on a aussi sauté plein d'affaires. On va les prendre. Ben, c'est ça, on a le temps en masse pour se récupérer ça. Ou sinon, on les préparera pour l'année prochaine. Par exemple, le 3 novembre, c'est la journée des sandwichs. Ah, OK. Ouais. Donc, c'est l'anniversaire de la naissance de John Montagu, le 4th Earl of Sandwich, un homme qui reçoit le crédit là, pour l'invention de ce dîner qu'on peut tenir dans la main. Mais il a révolutionné le monde. Tellement. Il participait à un match de gambling, sûrement de jeu de cartes, de 24 heures de long. Il a inventé le sandwich. Bon. Génial. Ouais. Le 6 novembre, la journée nationale des hommes qui font à manger, à souper. Oh boy. Dans mon cas, ça aurait été la journée du sandwich, je pense. T'as combiné une fête fusion. Ah, clairement. Tu l'aurais fait entre le 3 et le 6, donc genre le 4 et demi. Oh, mon Dieu. Ensuite, le 8 novembre, en fin de semaine, c'était la journée de Abbott et Aid Punsters. C'est donc, quoi, c'est ça? C'est la journée de jeux de mots, si on veut. Donc, on fait des jeux de mots ce jour-là. Punsters, j'imagine que c'est des grands blagueurs. Ça explique pas trop, mais c'est sûrement des gens qui faisaient des jeux de mots. Ensuite, le 13 novembre, ça s'en vient. C'est quoi? 11, 12, 13, jeudi. La journée mondiale de la gentillesse. OK. Ça s'explique tout seul, mais on est gentil le 13. Bon, parfait. On fait des compliments, on partage. Exactement. On partage, c'est la journée où sort le contenu à télécharger dans Mario Kart 8 aussi. Ah! On joue avec Mario Tanuki. Bon, c'est bien ça. C'est jeudi, je l'attends. Moi, la gentillesse, ça va être de pouvoir jouer à ça. Le 14 novembre, ça c'est vendredi, c'est la journée où on se calme, tu sais. On se calme, c'est... stresse pas avec ça. La journée stresse pas avec ça, qui est l'anniversaire de Joseph McCarthy. Okay. C'est qui ça? Bon, on va aller voir. Est-ce que je suis inculte? Je crois que c'est un ancien président, mais je suis pas certain. Un petit peu. Donc, il était un homme politique. Politique américain, affilié à l'origine du Parti démocrate puis au Parti républicain. Il a occupé le poste de sénateur de l'État. Donc, c'est juste un politique. Ouais. Non, c'est juste un sénateur. C'est du plate, ça. Voyons donc, sénateur. Who cares? Who cares? Toujours dans la liste des fêtes qu'on peut célébrer pendant le mois de novembre, pour ceux qui s'intéressent. Le 15 novembre, c'est la journée nationale des gâteaux qu'on appelle les Bundt Cakes. C'est une espèce de gâteau avec un genre de trou dans le milieu. C'est comme un genre de grand beigne. Donc, un trou dans le milieu. Fête qui a été créée par la compagnie Nordic Ware, qui font des moules à gâteaux comme ça. Donc, pour leur 60e anniversaire en 2006. Est-ce qu'il y a un mot en français pour ces gâteaux-là avec un trou dans le milieu? Je sais pas. Non? Je sais pas. En fait, à chaque fois que je l'ai vu, j'ai pas pensé chercher, mais... Ça a toujours été Bundt Cake pour toi aussi? Oui. Juste un gâteau que je trouve dedans. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'aime ça, cette fête-là. C'est bien. On fête ça. Ben oui, puis on continue à célébrer. Ça arrête plus. Le 17 novembre, c'est la journée nationale de se désaffilier de ses amis sur Facebook. Donc, les enlever de vos amis. Parce que vous n'avez pas besoin d'être ami avec les gens avec qui vous êtes allé à l'école primaire et que vous n'avez jamais repris contact avec. Puis vous n'avez juste rien à leur dire. Ou le coloc de votre ancien collègue de travail. Peu importe, enlevez-les de vos amis. Faites le ménage. C'est le 17 novembre. Mais c'est vrai que ça fait du bien de fois de temps en temps de faire le ménage. Mais ça. Mm-hmm. Moi, j'aime bien ça. On s'en fout du nombre, parce que les gens se disent, ah, tu sais, Pourquoi est-ce que tu enlèverais des amis? Ça fait juste que tu as un plus gros chiffre, on met envie de but. Pour toi, c'est d'avoir le plus de faux amis, c'est ça? Mais non, c'est ridicule. Pour vrai, je dois en avoir comme 200 quelques. Ouais. Ce qui est vraiment pas beaucoup comparativement à d'autres. Le maximum, c'est 1500, puis il y en a qui le score. Là. Vraiment? C'est pour ça que les gens se font des pages professionnelles, même s'ils sont pas super professionnels dans la vie. Ensuite, le 21 novembre, c'est la journée mondiale du Allô. Donc, c'est le 42e anniversaire de cette célébration du mot Allô. Ben là. Salut. Bonjour. C'est n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. La salutation la plus simple du monde. Ensuite, le 23 novembre, c'est la journée d'Alaskatalo. C'est nommé en l'honneur de la mascotte mythique de l'Alaska. Alaskatalo, ça, c'est quand la mascotte tombe en bas du quai, c'est ça? Ouais, elle tombe à l'eau, oui. Et elle célèbre le mot à l'eau de la fête d'avant. Oh boy! Exact. Donc, c'est un mélange entre un orignal et voyons, c'est avec les grandes dents. Excellent, avec les grandes dents. Un morse, voilà. Merci. C'était pas très clair, je sais comment dire, mais quand même, tu m'as dit. Alors, c'est une journée où on célèbre... T'as dit que c'était un mélange entre un orignal puis un morse. Ouais. Il doit être laid. C'est affreusement laid. Mais j'aurais aimé ça pour une photo. Il va falloir que tu cherches. Donc, c'est encore une fois, Alaskatalo. Alaska avec un C, malheureusement, pas de cas. Et TTALO. Je suis vraiment curieux. OK, moi, je mélange entre un cheval puis une poule. Ah. Je sais pas, on dirait que c'est des images fake tellement c'est ridicule. Probablement que c'est des montages, tout ça, mais il y en a un vrai à quelque part là-dedans. Donc, on célèbre l'humour unique des résidents de cet état de l'Alaska avec leur mascotte mythique. C'est vraiment très, très laid. Ouais. T'as trouvé le vrai? Ben, il m'en sort juste un, en fait. Ouais. C'est vraiment un orignal. Ben, ils ont mis un orignal avec la tête du morse, là. Je sais pas si c'est ça, mais c'est vraiment laid. Ah! Le 28 novembre, c'est la journée nationale de passer la soie dentaire. Là, j'espère que tu t'en passes à l'année pareil. Hein? Mm-hmm, j'espère. Ensuite, le 30 novembre, c'est la journée rester à la maison parce que tout va bien. Journée avec plein de bonnes intentions créées pour encourager les gens qui travaillent trop fort à prendre une journée de congé, même s'ils se sentent déjà bien. En plus, c'est dimanche cette année. C'est dimanche, donc on peut prendre ça vraiment relax autour du dimanche. J'imagine qu'on va pouvoir l'extensionner. Ben oui. C'est la fête à mon chum. En plus. Fait qu'on peut se pogner le bain à la maison. Tout va bien. Ça va être génial, ça. Malade. Voilà pour cette petite liste de choses qu'on peut célébrer en novembre. On va continuer tantôt avec les festivals du mois de novembre qu'on peut... célébrer aussi, mais des festivals bizarres. Ah. Les avancées, on écoute Caravane. Voici leur nouvel extrait du palmarès. C'est Saint-Raymond sur C'est fou. 89 FM. Chaque gorgée de rhum me ramène au début de nos histoires. Chaque gorgée de rhum me rappelle que c'est l'automne. J'ai plus envie de boire pour oublier qu'il faut recommencer. Je me fous des rockstars de fin de semaine, pis ce qu'ils pensent de moi. Tout ce qui me reste aussi tard. trop t'es où. Je m'en ai pas, je veux y croire. Enfin au bout de la route, je pensais plus arriver. On en débouche une coupe, il faut se réchauffer. Caravane et Saint-Raymond, assemblage requis. On était en plein milieu de son foutu palmarès et on continue à l'instant avec une liste des festivals à célébrer dans le mois de novembre. Encore une fois, je sais bien qu'on est rendu le 10 ou quelque chose comme ça, genre. On était comme le tiers de du moins fait déjà, mais il y a plein de festivals par mois. Il y en a un petit peu moins en novembre que les autres mois, évidemment, à cause de la température. Je pense que c'est assez évident. Mais il y en a quelques-uns qui se démarquent, hein, parce qu'ils sont extraordinaires. Par exemple... la journée qu'on appelle Return Day, c'est à Sussex County dans le Delaware. C'est une tradition où on se calme un petit peu après les élections du mois de novembre. Tu sais que c'est les élections de mi-mandat aux États-Unis, c'est bien important. Donc c'est la Return Day, la journée où les choses retournent à la normale, reviennent à la normale. Donc le jeudi après le jour des élections, qui était le 6 novembre cette année, ceux qui ont voté au niveau local et de l'État vont se rassembler avec leurs opposants, donc les gens qui ont soit gagné ou perdu contre eux. Ils vont faire une parade pour montrer qu'ils sont tous ensemble, One World comme on dit. Donc c'est ça, il y a le... c'est ça, on enterre la hache de guerre si on veut. C'est n'importe quoi pour célébrer. N'importe quoi pour célébrer et faire un barbecue en public. Ah, ça, le barbecue, je suis partant. Ben, c'est ça, moi aussi. Il y a de la musique et du divertissement. Donc, le Return Day, allez voir leur site officiel, c'est returnday.com. Le Big Pig Jig. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la 33e édition annuelle qui se passe à Vienna, en Géorgie. Le festival se déroule du 6 au 8 novembre, donc c'est déjà terminé, malheureusement. C'est une compétition de barbecue. Le thème de cette année est un jeu de mots. c'est Gone with the Swine. C'est un jeu de mots avec Gone with the Wind. Autant n'importe le vent, mais ça rime pas. Le mot n'a pas vraiment les mêmes lettres. donc ça marche pas vraiment pour moi, mais bon. Donc c'est ça, c'est un concours de barbecue avec les événements qui ont d'habitude un lien avec ça. Là, tout ce qu'on fait d'habitude, les parades, musique, manège, bricolage. C'est présidé par la reine du concours de beauté, je dirais Miss Big Pig Jig. Donc, le concours est né d'un groupe d'amis qui se chicanaient sur qui fait le meilleur barbecue. Et la seule façon, évidemment, de trouver le gagnant, c'est de faire un concours. Et on a fait un concours de barbecue à chaque année depuis. C'était donc en 1982 que ça a commencé. C'est une bonne idée, ça. Ouais, j'aime. Mais je serais gêné d'être Miss Big Pig Jig. Miss Piggy. Finalement, on va dire Miss Piggy, c'est plus facile. Ouais, ça ressemble à ça. Hein. Ensuite, c'est le Worst Fest. Worst Fest, c'est à New Braunfels au Texas. Et on dit que c'est que le meilleur festival de tout le monde au complet, c'est le Worst Fest. Donc, les 10 meilleures journées dans l'histoire de la saucisse, c'est entre le 7 et le 16 novembre cette année. Donc, c'est encore en cours. Worst Fest, qui a commencé comme un festival municipal à petite échelle en 1961, conçu par un vétérinaire local et un inspecteur de viande de la ville, Ed A. Greist. Donc, la célébration d'une journée. Alors, c'était un succès surprise, a attiré plus de 2000 personnes et ces surprises-là continuent parce que ça n'avait pas d'augmenter. Le festival a pris plus de place, il y a maintenant un terrain complet, un genre de terrain d'exposition un peu comme pour célébrer ça. Et maintenant, mais ça dure 10 jours, je veux dire, on est passé d'une journée à 10, là, je pense qu'on a fait un entre deux. Tu sais, je veux dire qu'ils n'ont sûrement pas passé de 1 à 10, là, ils ont sûrement développé... Ouais. Entre les deux, puis là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aller jusqu'à 10 jours. Là. C'est comme les saucisses et les pains, tu sais, ça arrive jamais, ça accroche, t'as jamais 12 pains, 12 saucisses. Je sais pas quoi le rapport, je sais pas, mais là, peut-être que t'as 10 jours de célébration pour 12 pains, je sais pas. Je comprends pas ce que tu me dis. Quand tu vas au magasin, t'as jamais 12 pains, 12 saucisses. Ben oui. Ben pas toujours, non. Ben oui. Pas toujours, non. Ben oui. T'as soit des paquets de 6 ou de 12, autant pour les saucisses que pour les pains. Ça dépend de la grosseur des pains. En tout cas, ben... Mais tu dis n'importe quoi. T'as juste à pas manger tes saucisses tout seul sans les pains chez vous. Aïe, aïe. Hey. Aïe, aïe. Donc, Worst Fest, ça ouvre les vendredis. Avec, ça ouvre, en fait, non pas avec le traditionnel découpage d'une bande rouge pour ouvrir une bâtisse. À la place, c'est le croquet de la saucisse traditionnelle. Ah, c'est parfait, ça. C'est génial. C'est un concert avec plein d'orchestres, de yodelers, des danseurs, des bandes de polka. C'est quoi ça, des bandes Tex-Mex? Tex-Mex. Qui sont gratinés avec des haricots puis du bledin? Je sais pas. Je sais pas du tout c'est quoi. Mais c'est ce que ça dit dans l'article. Donc, Tex-Mex Bands, les musiciens éclectiques, voilà. Mais ce qui attire le plus, c'est évidemment les grosses saucisses, hein, et tout plein de bière dans le Biergarten. Ouais. Les saucisses, elles sont dans le Marketplace. Je pense que c'est comme le marché, mais version fausse allemand. Ben, ça doit être bien. Ça doit être très bien. Et tu as des food trucks, des camions culinaires. Ah, oh, génial. Fantastique. Ensuite, c'est le Alaska Bald Eagle Festival. On était en Alaska tantôt dans une précédente mention de de ces articles-là. Donc, à Ames, en Alaska, on va célébrer la Alaska Bald Eagle, le Alaska Bald Eagle Festival, du 10 au 16 novembre, commandité par l'American Bald Eagle Foundation. Ce festival coïncide avec la course des saumons, qui attire la course des saumons. Je pense que c'est pas une course, mais plus genre la présence des saumons qui vont attirer des milliers d'aigles qui vont venir se nourrir de ces saumons-là. Donc, il y a des autobus qui vont amener les gens qui se présentent au festival jusqu'à l'Alaska Bald Eagle Preserve, donc une sorte de réserve, si on veut. Et donc, il y a d'autres événements, une compétition de photographie, hein, des séminaires sur la photo, des événements culturels, des cours sur tout ce qui se passe dans le bois, la vie sauvage, et un banquet avec, entre autres, un buffet de chocolat. Hein? C'est quoi le rapport? C'est génial? Je sais pas, mais j'en veux pareil, même si ça n'a aucun lien avec rien. Moi, je vais là, puis fuck les aigles, moi, je mange du chocolat. Fuck les aigles. Ah, quel environnementaliste ferais-tu? Ensuite, toujours... J'ai pas dit que je voulais les tuer, là, j'ai juste dit que je voulais pas regarder. Je vais juste les fourrer, ça. Quoi? Fuck les aigles. Okay. Ensuite, c'est du mauvais goût. Le cinquième festival du mois de novembre, c'est le festival du silence. Ah, je serais pas bonne là-dedans. Mais en fait, ça va à l'encontre de tous les festivals, hein, parce que silencieux n'est pas un mot qu'on pourrait mettre avec festival d'habitude. Effectivement. Donc, ça se passe à Ocean City, dans le New Jersey. Ça se passe du 14 au 16 novembre. On a pensé à tout plein d'activités amusantes, mais silencieuses, comme faire voler un cerf-volant, faire des bulles, hein, faire voler des petits avions en papier, une démonstration de yo-yo, fabriquer des bijoux et un festival de ronflements silencieux. Sur la plage, ça s'appelle Snore at the Shore. On dirait une grosse joke plate, ce festival-là. Vraiment, hein, c'est parti d'une idée probablement stupide, vraiment d'une blague. Puis ça a pris de l'ampleur. Donc il y a du divertissement, ouais, entre autres, avec regarde ça, écoute bien ça. Ça, c'est vraiment cool, je trouve. C'est le club de langage des signes qui s'occupe du divertissement. Ah, ben ça, c'est cool. C'est vraiment le fun. Et un petit groupe de, tu sais, les petits gogosses qui sont sur le bord des portes, là, puis que quand le vent passe, ça fait du bruit. Ouais. Petite garaloche, je sais pas quoi. Bref, il y a ça aussi comme musique. Il y a un concours d'animaux de compagnie pour les hamsters, les tortues, les lapins et d'autres petits animaux silencieux. Le Quiet Festival qui est commencé par la National Association of Tired People. C'est le NAP. Ah, c'est cool. C'est le NAP, une organisation semi-non-existante et silencieuse. Ils ont quand même skippé le tired, là. Il aurait pu avoir un T dans... Il est en minuscule, en plus. Hein. Ouais, mais tired. C'est ça, mais c'est pas... Ils ont triché, là. Vraiment, c'est de la triche. Mais bon, on les jugera pas trop, ça a fait un bel acronyme, non? Ouais. Oh, oui. Ensuite, on continue avec le Oak Street Po' Boy Festival. En 2014, ça se passe le dimanche 23 novembre en Nouvelle-Orléans. En Louisiane. C'est un festival de rue qui dure 8 blocs, donc 8 blocs de rue. C'est en l'honneur du sandwich Po' Boy, avec tout ce que vous voulez dessus. Je connais pas trop le sandwich, mais ça préserve aussi l'histoire, l'historique. Du district des affaires de Oak Street. Donc, on rapproche le quartier ensemble. Vous allez avoir la musique style Dixieland, avec des cuivres, trucs comme ça, des instruments de cuivre, à cuivre, et puis des vendeurs de bière. Ben, pas juste ça, là. Tu sais, les tambours, là, en avant de toi, que tu fesses des deux bords, là, puis... Ouais, les caisses... Puis il y a des saxophones aussi. Il y a plein d'instruments comme ça. Ça va sonner comme le saxophone, c'est un bois. Le saxophone, c'est un bois. Parce qu'il y a une hanche au bec qui est en bois. Fait que le saxophone n'est pas un cuivre, mon cher. Wow! C'est un fait! Le Po' Boy, de l'anglais Poor Boy, comme un pauvre garçon, est un sandwich sous-marin originaire de Louisiane, on l'a compris, et il se compose presque toujours de la viande, habituellement du bœuf rôti, ou de fruits de mer frits. La viande est servie dans un pain baguette de la Nouvelle-Orléans, dérivé du pain français. Ça doit être bon, ça? Oh, boy que oui. Un Po' Boy à la crevette sur la site de Wikipédia, allez voir ça. P.O. apostrophe. Et là, l'apostrophe va après là-haut. Ah, tu l'as Wikipédié. Ben, mais ça, j'ai Wikipédié ça, toi. Je suis un très bon Wikipédieux. On pourrait dire. Tu étais très modeste ce matin. Ah, vraiment? on m'appelle Madieu, pas pour rien. On est dans la liste des festivals à célébrer en novembre. Le World Championship Duck Calling Contest and Wings Over the Prairie Festival. Un logo vraiment énorme parce qu'il faut faire entrer tous ces mots-là. Donc, c'est à Stuttgart, en Arkansas, où on dit qu'on est la capitale du riz et du canard. La capitale mondiale de ça. Donc, pendant l'action de... la semaine de l'Action de grâce, qui, eux, ils n'ont pas encore célébré l'Action de grâce. Le côté canard gagne. Hein? Et c'est pour ça qu'on a le 79e festival annuel World Championship Duck Calling Contest. Donc, ça, c'est le concours de l'appel du canard. And Wings Over the Prairie. Donc, il y a des ailes sur la prairie. Festival. Ça veut dire festival. Donc, on l'appelle souvent le Duck Festival dans son utilisation courante. L'événement de cette année, oui, se déroule du 22 au 29 novembre. Le concours d'appel du canard a commencé en 1936 dans l'ancienne version du festival qui s'appelait le Arkansas Rice Carnival. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment son prédécesseur, mais quand même. Donc, le gagnant cette année-là pouvait gagner un prix qui pouvait monter jusqu'à 6,60 $. Oh! Oui, alors que le champion cette année va recevoir 15 000 $ en prix. Ça attire des participants de partout aux États-Unis et au Canada. Mais tu peux pas juste participer. En fait, il faut que tu te qualifies en gagnant un événement préliminaire officiellement sanctionné. Ouais. Donc, le festival lui-même a tout plein d'autres compétitions d'appel du canard pour tous les gens, de tous les âges. Il y a même des leçons pour appeler le canard. Et il y a le concours Queen Mollard, donc un concours de beauté. La Duck Race et le Duck Gumbo Cook-Off, un concours de cuisine. Il n'y a pas de Duck Hunt, là, avec le petit gun en plastique, là. Ah, si t'as la cassette avec Mario Bros et Duck Hunt dessus, c'est encore mieux. Parce que je l'avais quand j'étais jeune, ouais, ça s'est perdu dans des déménagements. C'est tout le temps c'est ça. C'est triste. Tout le temps. J'avais l'édition vraiment cool. Ouais, c'est de la meilleure, facilement. C'est un seul prix, deux jeux. En fait, ça ne voulait pas être la console, ça. La version avec Duck Hunt et Mario. J'ai eu ça usagé, jadis. Jadis naguère. Et continuons, le dernier festival du mois de novembre, c'est le Sally Chitlin Strut. En fait, c'est pas le dernier. Pourquoi est-ce que ça me disait que c'est le dernier? Il en reste deux. Il doit en avoir un bonus. Je pense que c'est un bonus. Donc, le Sally Chitlin Strut à Sally en Caroline du Sud va avoir lieu le 29 novembre cette année, mais c'est facile de s'en souvenir à chaque année parce que c'est le premier samedi après l'Action de grâce américaine. Quelques jours de restant d'Inde. Et vous êtes prêts à manger un peu de chitlin. C'est comme ça qu'on prononce. Donc, chitterlings, ça s'écrit chitterlings, mais on prononce ça chitlins. C'est des intestins de... tu peux me rappeler, est-ce que tu sais, c'est quoi hog? Comment? Je me rappelle jamais. Un câlin. Non, vraiment. Je vois pas le mot, donc je peux pas t'aider. Je vais y aller, hog à HOG. C'est un animal assez laid, je trouve. Un faisant? Non, c'est un genre de... c'est comme un genre de porc. Un gros porc, là. Hog? Je sais pas c'est quoi. Mais t'as pas le mot? Ben, j'ai le mot, mais j'ai pas envie de passer toute la journée sur la recherche, donc je vais continuer de lire l'article. Ben, c'est un intérieur de l'animal qui ressemble à un cochon. Donc, le Sally Chitlin Strut. Ben, ça traduit par porc. Un porc, bon. Donc, en plus qu'à offrir que juste de la nourriture, il y a des festivités qui commencent bien avancées. Un concours de beauté, le Queen of the Chitlin Strut, c'est le 8 novembre. Et ensuite, les événements préliminaires, la semaine de l'Action de grâce. Vous allez voir l'horaire sur chitlinstrut.com. C'est juste un cochon. Je pense que c'est juste un autre mot pour cochon. Je pense que c'est juste ça. Et finalement, le World Championship Pumpkin Chunkin, on en a parlé il y a quelques semaines lorsque c'était l'Halloween. Donc, ça a lieu la première fête de semaine du mois de novembre dans un gros terrain, un gros champ du Delaware depuis 1986 que ça a lieu. Les gens viennent de partout pour lancer des citrouilles avec des canons d'air comprimé, un trébuchet et catapulte, un moteur à force centrifuge ou même juste par ses bras. Étant donné... le fait qu'on a vu ça partout à la télé et sur Internet, l'événement annuel est devenu vraiment plus gros que ce que les fondateurs pensaient que ça allait devenir. Il y a des problèmes légaux qui ont forcé l'événement de déménager de sa maison permanente. Et maintenant, le 2014 Pumpkin Chunkin était le premier à avoir lieu sur le terrain du Dover International Speedway. Donc, ça, c'est des courses de voitures qu'il y a d'habitude. Et puis, on n'a pas... par contre, ça nous dit à la fin de l'article, malheureusement. Par contre, cette année, les plans n'ont pas pu être finalisés à temps. Et le Pumpkin Chunkin de 2014 a été remis en 2015. Je ne sais pas si on va célébrer le Pumpkin Chunkin 2014 en 2015, parce qu'ils l'ont sauté, fait qu'ils vont l'appeler 2014. Non, ben, je pense que ça serait le fun. Mais moi, je suis contre ce genre d'événement-là. Parce que c'est du gaspillage. Tu pourrais faire tellement de bonnes tartes et des biscuits. C'est, à moins qu'ils prennent des citrouilles qui sont plus bonnes. Oui. Mais vraiment plus bonnes. Je suis un peu contre ce genre d'événement-là. Ouais. Allez voir les informations sur pumpkinchunkin.com. Tout ça aussi est sur assemblagerequis.com. Voilà pour la liste. Dans le fond, ça disait 8 au sommet, mais 9 festivals du mois de novembre. Ah oui, on a un bonus! The Bonus Track Edition! Voilà, c'est tout pour son foutu palmarès. Dans quelques instants, c'est Alexandra Carignan et sa chronique. La boîte à musique, ça s'en vient dans quelques minutes. Et plus tard, David Ferron avec les notes salées. Mais pour l'instant, on se prend une minuscule pause pour aller se lancer quelques citrouilles. S'entraîner un peu pour l'année prochaine. On va lancer dans la face. Le festival de 2014 en 2015. Nouveauté. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on se toujours à Assemblage requis en ce lundi 10 novembre 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Dans quelques instants, Alexandra Carignan va nous ouvrir la boîte à musique. Oui, puis ça m'aime tout. Tu sais même pas quelle tune choisir. J'ai aucune idée quelle tune. J'essaie de te suivre. T'es pas bon. Mais avant ça... Tu me déçois. Là, outrage. Commençons cette portion d'émission avec une chanson de New Pornographers. Voici Dancehall Domini. Ça, c'est fou. 89 FM. Tequila! Oh yeah! Bon! C'est ça, okay. Quand la beauté m'a conscrit, je me suis fait un déserteur. J'ai marché derrière moi, j'ai marché derrière elle. Si la beauté est muette, jamais je me tais. Je le jure devant elle, je ne jure que par elle. Tu m'as réveillé dans ma nuit. Dormais à l'oblique, les fenêtres grandes ouvertes, nues comme un chêne, attendre le cri de l'oiseau voltigeur. J'ai eu droit au matraque de ton armée de peur. Ton armée de honte, honte à ton armée. Madame la reine, j'ai trouvé un prince, ce côté de la mer. Pour achever de nous légiférer le cœur, j'ai eu droit au matraque de ton armée de peur. C'était Bernary et la pièce Je n'oublierai jamais. Ouais. On s'est fait avoir. Quelqu'un a mis le mauvais CD dans la mauvaise pochette. Vous avez prévu d'autres choses. On jouera l'autre tantôt. Oui. Au moins, on a réussi au moins à trouver c'était qui dans le palmarès. Oui, oui, oui, parce que les CD. C'était comme au CD musical. Oui. Au lieu d'être la chaise musicale. Genre. C'est tellement concept. C'est tellement le fun. Non, on s'amuse. C'est fou. On accueille Alexandra Carignan. Elle change de case horaire. C'est nouveau. Elle va être dorénavant les lundis à 8h. Et accueillons-la avec sa boîte à musique. Bon matin! Hey, ça la va! Ça la va! Ça la va! Ça la va, Laval! Ça la va! Allez, oui! C'est Laval! C'est ta chronique, la boîte à musique? Eh hey, oui! Je vous présente chaque semaine un artiste musical. Ouais. Je me rappelle qu'est-ce qui a fait naître cette chronique-là. C'est toi qui disais, c'est plate, on n'a plus de chroniqueur musique. Mm-hmm. Ben, on en a de moins en moins. Généraliste. C'est ça, généraliste. Et il dit, tu sais, on n'a plus Maxime Tanguay, qui est mon copain, qui faisait une chronique sur la musique indie, émergente, indie, rock. Tout ce qui est fou, tu sais. C'est ça, tout ce qui est fou. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est moi qui vais prendre la relève. Puis finalement, je me suis rendu compte que ce que je présente n'est pas du tout dans le même créneau que Maxime Tanguay. Non, vraiment pas. Sur le fait que lui va toujours être, comment dire... lui, il va toujours avoir, là, il écoute de la bonne musique, tu sais, des artistes qui écrivent, produisent, vivent pour l'art, font, tu sais, font avancer la cause musicale, ouais. Et ainsi de suite. Et moi je suis plus volatile, je vais vers ce qui me tente, plus que d'autres choses. Ce qui me séduit l'oreille. J'ai aucune direction musicale, ça, faut savoir, là, dans mes goûts, là, il y a aucune... Alors, tout ça pour dire que la semaine passée, je vous ai présenté Postmodern Jukebox, ouais, qui est en fait, là, un groupe musical qui va remanier des chansons modernes à la manière vintage, donc soul, jazz, bebop, ainsi de suite. Cette semaine, je vous présente un rappeur. Mais c'est ça, j'ai pas de direction musicale. Je regarde dans ma bibliothèque et je fais qu'est-ce que j'ai goût de faire découvrir aux gens. Et moi, j'ai des goûts très éclectiques, là, tout le monde. En tout cas, ceux qui me connaissent le savent. Je m'en vais dans toutes les directions. Et là, cette semaine, je vous présente un de mes coups de cœur qui... en revisitant sa discographie, je me suis rendu compte que j'avais simplement acheté son CD de l'année dernière. Mais je l'ai tellement écouté et il s'est tellement imprégné à des moments de ma vie que j'ai l'impression de l'écouter depuis déjà 10 ans. Mmh. Tellement. Mais en fait, ça se peut pas, là, mais parce qu'il est quand même très jeune. Mais c'est super intéressant. Je vous parle cette semaine de George Watsky, qui est en fait un rappeur slam poète. Tout ça mis ensemble, c'est un jeune blanc, faut pensionner, hein, des fois, là, en tu sais. Non, non, c'est... Il y a rien de mal là-dedans, tu peux, tu sais. C'est pas mieux ça, même si t'es blanc, hein, oui, c'est ça. C'est un peu raciste, non, tu sais. Ouais. C'est pas un commentaire raciste du tout, c'est non. Juste de dire, ben, dans le rap, c'est quand même... Il y a une différence entre le white rap et le black rap, c'est des sûr. Fois, et c'est ça, donc, c'est un rappeur qui vient de San Francisco. qui a 28 ans, qui a fait ses études collégiales, universitaires, et qui s'est démarqué particulièrement dans le Youth Speaks Grand Slam Poetry, où est-ce qu'il a été gagnant en 2006. Et lui, il est reconnu pour sa prose, mais aussi par le fait qu'il chante, ben, qu'il rappe excessivement vite. Okay. Sans jamais se tromper, là. Et ça, il y a beaucoup de vidéos qui montrent ça sur Internet. Donc, Watsky, Fast Rap, des trucs comme ça. Avec un chronomètre à côté de montrer que le temps est vraiment temps réel. Non, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il flatte son chat en même temps. Ah, ben ouais. Ce qui fait que on voit que sa main est normale. Mais en fait, c'est pas nécessairement... Il la flatte au début, mais je pense qu'il met des minouches sur son bureau. Bref, le chat est là, puis il regarde, il mange ses minouches. Donc, il n'y a pas de... C'est on drôle. Le verrait si ça serait accéléré. Peut-être tellement son chat qu'on l'appelle Georges Flatsky. Georges Flatsky. Ça, c'est comique. Non, pas ça. Alors, donc, c'est ça. Lui, il s'est démarqué par ça. Mais aussi, c'est ça, c'est... ce qu'on peut parfois reprocher aux rappeurs, c'est qu'il y a des textes un peu vides, particulièrement dans les rappeurs pop, là, tu sais, si on peut penser à du Wiz Khalifa ou... ceux qui font les featuring d'un tune pop de jeunes filles auto-tunées. Oui, là, c'est ça. C'est bon? Limite, Ludacris, c'est très bon, là, mais les textes vont parfois... Ben, manguer, je veux dire, des fois. Là. Mais non, Ludacris, oublie ça, c'est plus... non, mais c'est Snoop Dogg va peut-être aller justement dans un texte un peu plus senti, mais tu sais, c'est souvent là, le reflet de la société noire. Kendrick Lamar va beaucoup jouer là-dessus sur une autobiographie de son enfance lourde. Et tu sais, donc c'est souvent comme ça. Mais lui a vraiment un aspect politique, social, et va mener ça beaucoup sur le texte, plus que sur la musicalité ou la production en arrière, ce qui est très intéressant. Il a sorti un album en 2007, Invisible Ink. En 2009, un album éponyme, Watsky. Et en 2013, Cardboard Castle. C'est là que je l'ai connu. Et que cet album-là, je l'ai écouté over and over again. Même si je l'ai tellement écouté, je suis pas capable de chanter comme lui, de rapper comme lui, parce que c'est trop rapide. Et finalement, en fait, cet été, il a sorti All You Can Do, son troisième vrai album, là, parce que le premier, c'était un peu un EP. Et celui-ci est vraiment... beaucoup mieux produit. Carvel Castle est bon, mais souvent on va entendre des sons cacanes. Ben, pas cacanes, mais c'est pas des vrais instruments, ça va être du numérique. Et parfois, on peut entendre la différence, mais All You Can Do, on voit vraiment la différence. Et là, je parle. Alors, ce qu'on va faire. Mais il n'y a pas d'erreur. Mais il n'y a pas d'erreur. Je parle vite en plus, ça m'arrive souvent. Alors, c'est dans le thème parce que. C'est ça, c'est George Watsky, puis il parle vite. Alors, la première chanson qu'on va aller écouter, c'est une chanson. Et là, je veux quand même vous mentionner que c'est un featuring Kate Nash, une chanteuse que j'ai déjà présentée à la boîte à musique. Donc, chanteuse anglaise qui est souvent connue pour faire des musiques crues. C'est comme un peu la Lily Allen underground, grosso modo. Et elle feat sur cette chanson-là qui m'a beaucoup aidée lors de mes moments crus de la vie, qui s'appelle « Hey Asshole » de George Watsky. « Hey Asshole » See the sun is shining, but you are not smiling. And I don't know why, and I don't know why, and I don't know why. I'm an asshole, cause the sun is shining, but I am not smiling. And I don't know why, and I don't know why, and I don't know why. I know I'm often told that there's a pot of gold, but rainbow and my coffee's cold. I know I should be grateful. I know I'm good and able, but I don't have the strength to get up from the kitchen table. This kind of shot comes once, another opportunity of a lifetime just slipped away, and that's the fifth this month. But when you take a punch, don't you ever forget why you get up and you put one foot in front of the next. Got the power on my wheel and I wanna win a mill, but I'm looking at the window sill. Gotta take a better pill, gonna pay for what I did in my head, and my heart will foot the bill. Got a foot in my mouth because I'm kicking myself. I developed a habit of knocking on my front tooth, looking uncouth. Wanna hear the truth, give it to me straight, 151 proof. Telling myself it'll happen when I'm happy, but I'm climbing up a ladder that has got no end. Hold up on a rug, I'll never make it to the top. I'm looking at the bottom and I must descend. All I wanna do is buck this trend. Everybody need a buck to spend. And I'll be working on myself till I work on someone else. Till I get there, I'ma just pretend. Yo, I'm often told that there's a pot of gold, but I don't see no fucking rainbow and my coffee's cold. I know I should be grateful, I know I'm good and able, but I don't have the strength to get up from the kitchen table. This kind of shot comes once, another opportunity. opportunity of a lifetime just slipped away, and that's the fifth this month. But when you take a punch, don't you ever forget why you get up and you put one foot in front of the next. In a silence, I look under my eyelids and I'm checking my mileage. I've been using a pool of water as a mirror, but not for stylists, so I can reach in and pimp slap my reflection for acting childish. Spent a half an hour sitting at the bottom of my shower, letting the water run over my body. I admit I wanted to get up, but I didn't have the power. I don't have the answers anyway. Yeah. Wanna panic, but I gotta come clean, because the planet is just mean. Knew it was tough, but damn it, it's obscene. I've been hopping up to the top of the summit, and I'ma rough it if I have enough steam. I'll keep it coming and coming until I'm coming with the stamina of a salmon who's heading upstream. C'était George Watsky avec Kate Nash. C'est la chanson Hey Asshole de son album Cardboard Castle. Et je vous ai mis cette chanson-là parce que je trouvais ça intéressant. Il ne rappe pas tout le temps vite. Mm-hmm. Il va seulement sélectionner des bouts. Là. Il n'est pas juste show-off, mettons. Là. Ouais. Et c'est ça, en fait. Lui, il ne va pas tout le temps rapper vite. Et c'est beaucoup dans les textes. Cette chanson-là qui est une remise en question là, de justement, là, man, il fait beau dehors, mais je suis vraiment déprimée. Je suis un trou de cul, tout ça. Puis. On dirait, tu sais, ma vaisselle s'empile. Tu sais, c'est le genre de moment où ce que tu fais, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais. C'est ça. C'est quoi mon genre... problème? Comment ça que je suis autant de la merde que ça? Ouais, exactement. Ouais. Et je trouve ça vraiment intéressant. C'est super bon, tout le temps un peu pop-pop, mais très accrocheur dans ses mélodies. Très différent. Son album, là, lui, il fait ce que ça y tente puis ce qu'il a le goût de faire. Donc, Cardboard Castle, autant il va avoir des chansons un peu funky, il va en avoir d'autres super vraiment noires, d'autres un peu plus pop. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle Kill a Hipster. Et je vais mentionner son vidéoclip où est-ce que les hipsters sont en fait des zombies. Non. Et c'est ça, plus tu manges... et c'est quand même drôle, là, il tue des hipsters. Et tous les clichés sont dans la toune, genre je mange du humus en buvant mon San Pellegrino... Hein? C'est quand même très, très drôle. Le vidéoclip en vaut la peine. Le concept, je le trouve assez particulier. Il y a des beaux vidéoclips. Watsky a beaucoup été connu sur le mouvement YouTube, donc de justement, là, et d'avoir des vidéoclips et d'en faire un mouvement viral. Moral of the Story, qui est une chanson sur le travail, comment la société aujourd'hui nous pousse à vivre pour travailler et non pas travailler pour vivre. C'est un plan séquence de 4 minutes, là, où est-ce que lui, il lip-sync. Ben, il lip-sync, évidemment, parce que c'est un vidéoclip. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a tous ces vidéoclips, là, sont particuliers et ça m'amène à vous parler du vidéoclip de Owoa Woa Woa, qui est la prochaine chanson que je vais vous présenter. Ce vidéoclip-là est vraiment. J'ai pas d'autre terme que mind-blowing. Ça te fait péter une cellule du cerveau. Il me fait péter une cellule du cerveau parce que cette chanson-là, particulièrement, il va chanter, ben, il va rapper rapide tout le long. Okay. Mais le vidéoclip est genre tourné comme si son corps il skippait des fois, tu sais. C'est vraiment difficile à décrire. Ouais. Mais c'est comme si son corps skippait, mais que sa tête rappait tout le temps en même temps. Okay. Sur le temps normal. C'est vraiment impressionnant. Il y a une belle direction de bidounage de, d'électronique. Là. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est vraiment bien fait. Et la chanson est vraiment catchy. C'est le premier single de son deuxième album qui est sorti. Et cette chanson-là, Wah Wah Wah, c'était pour montrer, là, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Lui, il s'affirme un slammer, poète et tout ça. Puis le monde faisait non, tu fais du rap, assume-toi donc. Il fait non, c'est plus que du rap. C'est du slam, et j'ai des textes, il y a du senti dans ce que je dis. Donc, il a sorti cette chanson-là justement là, pour justement là, faire taire les doutes. Là, puis dire, non. De toute façon, tu peux bien choisir ce que tu fais toi-même. C'est ça. Je veux dire, dans la tune, c'est un peu ça. Là. Je m'en fous de ce que vous pensez. Les moi, je dis que je fais ça. Moi, je considère que je fais ça. Puis c'est ça que je fais, point barre. Alors, et là, vous allez voir particulièrement qu'il y a du fast rap. Là, et ça, jamais de la vie, je réussirai à la chanter. Alors, on va aller écouter Wah Wah Wah de Watsky. When I wanna spit game at a soccer mama, get it quicker than the left lane in the Audubon. Fast, like Ramadan, had to battle young Padawans all the damn day. I'm getting naked and I'm hopping on a rack of balls so hot I got the motherfucker a la flambe. I go to Miley's house, I see that Miley's home. I play Miley's ribcage with my dick like it's a xylophone. Yes, that was highly fucked up, but my skills are highly honed. And if I was highly hyphy, I might be more widely known. C'est la vie, better pay my fee. They kick it in Seattle in a Patagonia jacket, they get it in the bay in a plain white tee. Hey mommy, hey mommy, you're P1T, P1T. Wanna see me speak? Then I go, go, go, go, go. I know I gotta beat it up, bend it, then I break it, then I chop it, then I eat it up. And Peter would never approve of the way I've been treating the music. I bleed it, I bruise it, I kick it to the curb, and then I'm sipping it, I'm rubbing it, be freaking it, doing it, keeping it moving. I'm picking apart the muscle when I'm thinking about the hustle, but I'm nice, nice. Jump the freeway median, I'm savage. Cause my mode is that I'm meaner than the average. Like my teacher taught me when I heard the crowd applaud. I thought I was an atheist until I realized I'm a god. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be tagging off a tourniquet. When I burn them and I hit them in the sternum, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. Do what I gotta do, and never gonna pout. And I hope that it would've been the end of it in a mouth, but they never tend to give me the benefit of the doubt. Ever since I was a little kid, I know that I've been looking for the hot spotlight. And if you really wonder what I think about the competition, they were not tight. I've been reading my scripture. Every photo bomber wanna be in my picture. And you bet I'm living every single day like it's the motherfucking Catalina wine mixer. Bada bang, bada boom. When I walk in, I'm the king of the room. And I get it locked in like a king in a tomb. When I spit a toxin and they cough on the fumes. Cause I'm back in the nick of time and attacking the fickle mind. I'm a jackal, the rip beside, I'm a tackle, a pick a fight. I'll be Dracula, set to fight in the black of the bitter night. And I'm out, poof. C'était Watsky avec Wow, Wow, Wow. Alors là, vous avez vu vraiment là, à quel point quand je vous disais du fast rap, là, c'est ça, du fast rap. C'est rapide. C'est assez impressionnant. Même que moi, la première fois, là, j'ai sorti les paroles là, sur le ça web. Ça doit être un gros livre, genre, avec ben, reliure, les paroles de cet album-là. J'avoue que j'en ai aucune idée parce que c'est pas un album qui se trouve en magasin. Ah, OK. En même temps, je l'ai jamais commandé, mais tu sais, dans moi, la Cardboard Castle, quand je l'avais cherché sur, mettons, les grands disquaires, ça n'existait pas. Alors, j'ai pris l'habitude d'acheter ça sur iTunes. Mm-hmm. Donc, j'ai pas de copie. C'est probablement un des seuls artistes là, que j'ai pas de copie physique. Puis, ça me dérange pas trop parce que ben, ça se trouve pas. Puis, vu que ça se trouve pas, ça doit coûter vraiment cher. Ouais. Ça fait partie de ces choses. Donc, je sais pas. Mais ça vaut la peine. Alors, George Watsky, que j'adore vraiment beaucoup. Il est vraiment bon. Il est impressionnant. Il y a beaucoup de vidéoclips. Des belles paroles. Moi, je l'adore beaucoup, énormément. Alors, c'est ce qu'il y avait dans ma boîte à musique. Et tu as mis les vidéos sur le Facebook d'Assemblage Requis. Donc, allez voir ça. C'est quand même drôle. Et il y en a plusieurs, là. À peu près, c'est un... c'est genre un artiste qui fait un vidéoclip presque pour chaque chanson, là. Ah, quand même. Ben, sur son premier album. Ben, Cardboard Castle, son deuxième. sur à peu près là, 15 chansons, il doit avoir 10 vidéoclips, là. Et c'est des clips originaux, comme tu as dit tantôt. Oui. Il y a des bonnes idées là-dedans. C'est pas juste du facile de chanter devant... Non, il y a tout le temps un concept, ouais. Là. Donc, c'est ça, là. Il y a tout le temps un truc. Et Assault, c'est avec Kate Nash. Il y a aussi celle que je trouve drôle, Ugly Faces. Okay. Où est-ce que tout le long du vidéoclip, il est pogné à une aile d'avion. Là. OK. Il est dans le vent. c'est ça, c'est drôle. Pour rien. Il y a tout le temps quelque chose là, de... Hein? Mais là, ben, OK. OK. OK. Alors, c'est tout intéressant. Là. C'est jamais vide de sens. Là, ma préférée, Strong as an Oak, où est-ce que c'est trois fois lui, mais en différentes personnes qui marchent et qui chantent la chanson. En tout cas... Allez voir ça. Je suis vraiment pas impartiale parce que j'aime tout ce qu'il fait. Mais ça vaut la peine de s'intéresser à ce qu'il fait. C'est dit. Donc, c'est Watsky en passant W-A-T-S-K-Y. Oui, c'est ça. C'est particulier. Mais oui, c'est ça. Watsky. Alors, c'est ce qu'il y avait dans ma boîte à musique cette semaine. Génial. Merci, Alexandra. Ça fait plaisir. Juste pour rappeler, vu qu'on était là et si t'es pas là, je me rappellerai pas de le dire plus tard, mais il y a un match orange versus rouge à la lutte ce soir. Oui, gratuit, Chasse-galerie, 20h. Exactement. Ça va être super le fun. Match de feu, nous dit-on. Orange versus oui. rouge. Exactement. Il y a la lime aussi, mardi soir. Oui, mardi soir. Oui, c'est les pêches contre les rouges. Ouais. Donc, l'équipe Alex Drouin contre celle à Maxime Doyer. Yeah! On n'en parle plus, mais c'est ça, on a comme eu une espèce de... On a arrêté de faire du culturel dans ta grève. Mais ça, c'est correct. Il n'y a pas de trouble là-dedans. Mais on l'a juste pas fait la semaine passée. C'est parce que sinon, j'étais pas là les trois dernières semaines. C'est ça. Parce qu'il y avait genre une semaine de relâche, une d'action de grâce. Puis... Hey, David, dans le passé, là. Tout va bien? Everything's fine. Merci, Alexandra Carignan. Hey, ça fait plaisir. À lundi prochain, c'est à 8h. Exactement. Voilà. Dans quelques instants, David Ferron. Et sa chronique, les notes salées, en train de préparer ça, là, puis il va vous cuisiner ça avec juste un petit peu de saupoudrage. Vous, ça va être bon. Mais pour l'instant, on prend une pause et plus d'assemblage requis au retour. Restez là. Fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage Requis, en ce lundi 10 novembre 2014, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ouais. C'est le moment de recevoir celui qu'on aimerait pouvoir renvoyer à l'expéditeur. Non, c'est pas vrai. Celui qu'on... Non, c'est une blague. C'est une blague. Faut faire ça chaque semaine en dire que c'est comme rendu running. C'est pas grave, j'aime ça. Non, quand t'énerves, David. Marie Melon. Quoi? Marie Melon. Quoi? Si on t'accueille à chaque semaine, ça va devenir trop. Mais pourquoi? Trop de Marie Melon, c'est comme pas assez. T'es sûr que c'est équivalent? Je suis pas sûr que c'est. Je pense que ça fait exactement le contraire. Pas assez. J'ai compris, je m'en vais. Merci. Tu reviendras une autre semaine quand on aura repris conscience de tout ce qui s'est passé. Quand j'aurai pris mes aspirines, là. C'est ça. Une autre fois. Stéphanie, un conseil, prends ton temps avant de les prendre. Ou prends ça une bouteille au complet. Comme tu veux. Donc, on accueille David Ferron. Voici les notes salées. Notes salées. Du sel. Saline. Donc, à date, elle a eu comme genre 10 succès avec cette chronique-là. Mais aujourd'hui, je dois dire que c'est encore meilleur que ça a jamais été! Hey, c'est du Philippe Catherine. T'as un petit côté Philippe Catherine dire pas de mots, mais avoir un gros punch à la fin. Un gros punch aux fruits. Oui. Oh, ah, donc, c'est David Ferron et les notes salées, la chronique musicale International Worldwide Edition. Et on sait jamais de quoi on parle à l'avance. Et je sais que cette semaine, t'as une thématique qui tourne un peu par la bande autour de Steph. Oui, Stéphanie. Dieu! En fait, surtout autour de ta mère. Ma mère? Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? T'as crouses-tu? Ben, en fait, musicalement parlant, oui. Ah! Tu crouses sa mère musicalement, j'aime ça. Oui, parce qu'on sait qu'en fait, il y a une toune. Tu m'avais dit que ta mère, des fois, écoutait mon émission Micronique. Oui, elle avait bien accroché Musique du Monde, pas mal tout ce que tu présentes. Oui, puis d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, c'est que je vais faire jouer une chanson de Lala Enyava. En fait, elle avait bien aimé Dinako de Lala Enyava qu'on va écouter à la fin de ma chronique. Et là, en fait, c'est pas une chanson de Lala Enyava. C'est plutôt une reprise qu'elle reprend. Donc, je vais vous parler de l'histoire. Mais là, elle a repris une reprise, donc c'est comme la troisième version ou c'est elle plusieurs, qui a fait une reprise? C'est peut-être la millième, je te dirais. Ah, OK, OK. Parce que c'est ça, c'est en fait, je vous parle de la chanson Sweet Lullaby. Donc, on va entendre la version de Deep Forest dans les années 90 et ensuite celle de Lala Enyava qui sont complètement deux versions différentes. Et en fait, pour Sweet Lullaby, si vous ne connaissez pas la chanson, je suis sûr qu'en l'écoutant, ça va faire comme je l'ai déjà entendu à quelque part. À quelque part, mais où? Là, ça, on ne peut pas vous aider. Est-ce que ça pourrait être Britney Spears? Non. Elle n'a pas fait ça? A Sweet Lullaby! Non. Je vois pas Britney Spears faire ça. Elle est rendue rogue pas mal. Ouais. Elle fait plus du rock, elle fait du rogue. Du One She World Beat Music. Exact. Donc, en fait, d'où est-ce que ça vient, l'histoire de Sweet Lullaby? En fait, ça s'appelle... La pièce originale s'appelle Roroguela, qui est en fait un chant qui vient des ethnies Baïgou et Fateleka des îles Salomon. Les îles Salomon, en fait, c'est une île qui est complètement au nord-est par rapport à l'Australie. Donc, c'est dans l'océan Pacifique. Et en 1973, il y a un artiste qui s'appelle Afonakwa qui l'a enregistré. Qui a enregistré cette pièce-là qu'on appelle Roroguela. Et en fait, la réalisation de cette chanson-là fait partie d'un album qui s'appelle Solomon Island, Fateleka and Baïgou Music from Malaita. Et le projet, c'est pour l'UNESCO, donc pour la conservation du patrimoine mondial. Et c'est en fait, ça a été pris en charge par l'ethnomusicologue Ougou Zem. Et donc là, la chanson traverse les oreilles et là, dans les années 70-80, c'était repris par des DJ, c'était remixé et jusqu'à temps qu'on tombe sur la version de Deep Forest. Deep Forest, c'est un duo. C'est un peu comme Enigma. C'est-à-dire que c'est des DJ français qui se réunissent pour faire de la musique New Age électro. Puis dans les années 90, c'était de la grosse mode de mélanger musique électronique, Moyen Âge, Grégorien avec la musique du monde. C'était comme Enya. C'était l'ère d'Enya, si je peux dire ça comme ça. Et Deep Forest correspond vraiment à cette ère-là de chansons ethno, ambiant, New Age, musicaux. Je sais pas trop comment décrire ça, mais quand on entend cette chanson-là, on fait, me semble, je l'ai entendu quelque part, soit dans un spa ou dans un séjour, real massage. C'est vraiment la chanson qui sent l'eucalyptus. Okay. Vous allez voir quand la chanson va être finie de diffuser, vous allez voir le studio va sentir la lavande et l'eucalyptus. Mm-hmm. Et là, par rapport à Lala Enyava, c'est que dans son album qui est sorti l'année passée, Malagasy Blues Song, elle reprend cette pièce-là qui s'appelle justement Sweet Lullaby. Et vraiment, c'est une version complètement différente. C'est du folk. Quand je l'ai écouté la première fois, j'ai comme fait, non, c'est pas Sweet Lullaby de Deep Forest. Pas en tout. Puis on écoute vraiment comme il faut la mélodie vocale. Et oui, ça correspond. Et en fait, concernant Sweet Lullaby, c'est quoi la chanson? C'est en fait un frère qui dit à son petit frère, arrête de pleurer, tes parents veillent sur toi du haut du ciel. Okay. Donc c'est déprimant un peu. Ben, c'est triste, mais c'est plein d'espoir à la fois. Mm-hmm. Donc on va pouvoir écouter la version de Deep Forest suivie de celle de Lala Enyava. Vous allez remarquer le changement entre les deux parce que ce ne sera pas le même genre de musique. Exactement. On passe de l'eucalyptus au blues malgache. C'est Assemblage Requis dans les notes salées. já eu sei que quando me atendeu trome lá e leia quando me atendeu já e também assim tá matando não mare. Zai tambe ya sei tamate una umare. C'était Sweet Lullaby par Lala Niava. Oui, puis avant, on a entendu la version Pop Eucalyptus de Deep Forest. Ouais. Deux versions de la même chanson, complètement différentes les unes des ouais. autres. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez une préférence pour une des deux? L'original, dans mon cas. Ah, oh, l'Eucalyptus? Ouais, je pense que oui. Je sais pas. Écoute, les deux sont tellement différentes. Ouais. C'est difficile, je trouve, d'arrêter son choix sur... juste ça, là. Tu m'avais pas dit que c'était la même chanson deux fois, j'aurais jamais vu non, ça. Non, plus. Non. C'est à cause des paroles que c'est la même chanson. Ouais, puis aussi la mélodie vocale, mais même moi, quand j'ai entendu la première fois, je fais comme, ben non, ça se peut pas que ce soit Sweet Lullaby de Deep Forest, voyons. Mm-hmm. Oh my God. Mm-hmm. Oh my God. Yes, dear. Oui, mon chéri. Oh. Oh, bravo. Oh, t'as Mathieu, t'as de la compétition. Ouais, d'ailleurs. Donc là, on va se terminer avec... On va terminer la chronique avec une toune que la maman de Stéphanie aime. Oui! Donc, on vient d'entendre... Elle ne doit même pas s'en souvenir. Ah, ouais. Mais justement, c'est le temps de raviver des beaux souvenirs musicaux. Il y a des choses qui te marquent plus, toi, David, que ouais. les autres. Mais non, moi, mais la toune, je sais qu'elle se souvient d'avoir apprécié certaines chansons, mais elle ne doit pas se souvenir de celle-là en particulier. Précisément. Mais on va voir. On va voir. Peut-être que ça va ramener un syndrome post-traumatisme. Chose comme ça. On voit que tu adores la musique du monde, Mathieu. Oui, j'adore. T'es un fan. Un grand fan. Après 2 ans d'efforts, j'ai pour essayer de te convertir. Qu'est-ce que je fais ici? Marie Melon, tu peux faire ta chronique. Non. Est-ce que je t'ai converti au chiptune? Oui. Oui. Ouais, ouais. Ça dépend des tunes. Moi, ouais, ben c'est ça. Moi aussi, ça dépend des tunes dans la musique du monde. Chacun son genre. Donc, on écoute Dynamo. Ah oui. Dynaco. Oui, encore une fois de Lala Enyava. Dynamo, Dynaco, c'est pareil. Pas ma foi. Let's go back. Lala and Yava avec Dinako. C'est bon ça? Ouais. Quand tu dis and Yava, là, c'est comme si Lala et Yava, c'est ça? C'est deux filles différentes. Le duo Lala and Yava. C'est ça, non? Ouais. C'est comme les Chip and Dale. Tellement. Donc, c'était une demande spéciale, mettons, mais c'était une demande spéciale forcée par la personne qui l'a fait jouer. Donc, David Ferron pour Donc, la mère de Steph. Maman de Stéphanie, tu vas demander cette chanson sans le savoir. C'est autour de la Canal Vie. Demandez sans savoir. Donc, David Ferron, on te retrouve lundi prochain à 8h30 pour une autre chronique Les Notes Salées. Et d'ici là, on va réussir à s'en remettre. Oui, bonne chance. À chaque semaine. Parce que j'ai mon émission en plus à 6h. Fait que je ne sais pas combien de temps le traumatisme musical va durer dans votre cas. C'est bien que tu le mentionnes, parce que sinon j'ai tendance à oublier les plugs, parce qu'on dirait que je veux que tu t'en ailles le plus vite prochain. Donc, lundi à 18h, c'est Palmarès du monde, l'émission de musique du monde de David Ferron. Tu nous passes là-dedans plein de bonnes choses. Là. Ça permet de découvrir le top 5 musique du monde, présentation de festivals, critiques de disques, parcours des palmarès de différents pays, agrément de cet art qui se veut un résumé du dynamisme musical partout dans le monde. Il va me fesser avec son poing, je pense. J'haïs le chiptunes. Moi, j'aurais peur, Mathieu, tu sais que David est très entraîné crossfit style. C'est vrai. Il pourrait vraiment m'en sacrer. Mais il est tellement pas agressif. Tu le vois qu'il est doux dans son regard. C'est un pacifiste. Oh, t'as un petit mouton avec ses beaux petits cheveux frisés. Il est tout mignon. C'est vrai qu'il est petit cheveux. Tu quoi dans l'air en avant? Voyons. C'est sûr, la vie. Mais là, elle t'a complimenté. Là, voyons. Reviens en forme. Je m'en ferme son micro. Ok, fait là, t'es touché comme Adélaïde. T'es encore fâché après le compliment. J'ai rien compris. Je suis plus. Moi non plus. Bon, ça finit là-dessus. Ok. Bye bye. À la semaine prochaine. À 8h30, lundi. Prochain. Nous, on continue l'émission. On va prendre une pause avant de la continuer. Ouais. Après ça, on va la continuer avec C'est un fait et de la bonne musique de New Pornographers. Oui, j'ai hâte de l'entendre. On se le cachera pas, là. Tu me mis l'eau à l'oreille. Je l'ai promis, là, à peu près une demi-heure. Fait que ça s'en vient. C'est juste après la pause. Je te dirais une heure. Peut-être une heure. Ouais. Le temps passe vite, là. Incroyable. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, c'est la dernière demi-heure de cette édition du lundi 10 novembre 2014. Et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On s'est débarrassé de tout le monde, il reste juste nous. Tout le monde tout nu! Yeah! C'est un fait, ça revient, mes avancées. Voici The New Pornographers parlant tout le monde tout nu. Es-tu fou? Il fait ben trop frais. Eh ben, t'as bien raison. Il fait combien? 21? Je suis sûr que c'est du fake. C'est écrit n'importe quoi. C'est écrit au crayon feu, tu le thermomètre. On parle de Dance Studio, bien sûr, pour ceux qui suivent à la maison. But de météo aussi fou, il fait 21 degrés dans nos studios. Prends tes fesses, il faut au moins 35. Arrête. Voici Dancehall Dominé, New Pornographers, tout de suite. Ah, ça m'a choqué. They love you with the lights on. Turn them on. New Pornographers et la pièce quelque chose dominé, attention, c'était Dancehall dominé. Ça, c'était bon. C'est vraiment carré. Dansons tous. Dansehall. Ouais. Dansons tous, ok, c'est ça. Et dominé comme vraiment la posture dominant-dominé. Sur l'album qui se nomme Brill Bruisers. On se rappelle de la première pièce qui était aussi Brill Bruisers. C'est le moment d'apprendre des choses. C'était le temps. C'était à peu près temps. Enfin, l'émission de même, même si on le faisait au début, mais on le fait à la fin, juste pour changer. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Oh oui. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Mais ça... C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Et encore une fois, cette semaine, la semaine passée, ça a eu beaucoup de succès. Là. Ça, les lignes ne dérougissaient plus lorsqu'elles rougissaient, évidemment. C'était une chronique sur les animaux. Oui! Ben oui, gros succès. Donc, on refait ça, une recette gagnante même. Hein? Oui. Commençons avec des termites. Des termites particulières qui ont un plan de retraite auquel on ne s'attendrait pas. Tu sais, un plan de retraite d'habitude, hein, c'est tu peux aller à la maison jardiner et tu fais de l'argent quand même. On va te faire griller dans le sud, en Floride. Tout le monde aime ça et tu le mérites parce que tu as travaillé toute ta vie. Ben ah, oui. Voilà. Mais les termites, elles, c'est pas vraiment ce genre de plan qu'ils ont. Ils s'explosent. Elles s'explosent elles-mêmes. Elles explosent. C'est certaines espèces de termites, les Neocaprithermes terracua, bien sûr, qui ont des petits sacs à dos qui leur poussent sur le dos, un petit sac à dos bleu. OK. Un peu comme tout un petit sac à dos minuscule, mauve, ouais. Tout le monde t'en parle. Eux, ils ont un petit sac à dos bleu. Donc, ce sac à dos-là... C'est des gars. Non, en fait, pas du tout, c'est juste l'espèce. Ils sont remplis, ces sacs-là, d'une substance toxique et collante. OK. Mm-hmm. Donc, c'est... c'est du gélo aussi. C'est toxique. Mais c'est pas collant. Mais pas tellement collant, non? Ben, ça dépend. Si tu trempes les doigts, c'est sucré, puis tu restes les doigts collants après. Ça coule bien dans le gorgoton, je trouve, du gélo. Ça fait longtemps que je peux manger. Moi, c'est bon? Je devrais en prendre à la cafétéria, mais je suis pas sûr qu'il est bon. Bref, les bouts bleus sur leur dos, ça contient des cristaux de cuivre avec des protéines à l'intérieur. Et quand ces poches-là réagissent avec les sécrétions des glandes de salive des termites, ça va émettre une petite goutte de genre de gel toxique qui est capable de paralyser ou même de tuer une termite ennemie. C'est fait pour tuer les ennemis termites. Les termites qui ne contiennent pas ce cristal bleu, c'est les white workers, donc les travailleuses blanches. Les cols blancs, voilà, les cols blancs des fourmis termites. Celles-là sont moins agressives et n'ont pas autant de possibilités, ne vont pas se battre autant que les autres. Lorsque les scientifiques ont transplanté les cristaux bleus sur les travailleuses cols blancs, elles devenaient plus mortelles. C'est un fourmi, là. Donc, c'est un genre de gel qui peut tuer les autres termites. C'est pas le fun d'avoir ça sur ton dos. Imagine si t'avais un liquide sur toi qui pouvait te tuer ou tuer quelqu'un d'autre. Un moindre accident arrive et tu ben comment? Ouais. C'est terrible. C'est vraiment spécial. Ensuite, passons en Chine où on utilise pas des chiens comme chiens de garde, comme on dit. À la place, on utilise des oies. Des oies. C'est une joke? C'est pas une joke, c'est la vérité vraie. C'est selon Internet. Non, en fait, les sources sont sur assemblagerequis.com. Quand je dis selon Internet, les sources sont quand même toutes sur le site. C'est selon celle-là, National Geographic. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Ah ouais. Donc, dans certaines parties rurales de la Chine, la police va utiliser des oies dans les stations de police. Si vous avez déjà entendu des oies faire du bruit, crier, vous savez que c'est très, très fort, très puissant. Oui. On a tous vu la chanson de Taylor Swift chantée par une oie. Aussi. Non. C'est bon, il y a une chef, ça. Il n'aurait plus. OK. Il aurait pu faire une petite chorale de doigts. De doigts. Compter sur 5 doigts. Donc, une fois qu'elle commence, en plus, les oies, ben, c'est difficile de les faire arrêter. On peut toujours distraire un chien en lui offrant un morceau de steak, mais si on lance quelque chose à une oie, ça va juste les rendre encore plus fâchés. Donc, ça va aider. Mais tu peux pas lui lancer du steak aux oies. Non, pas tellement. Donc, elles sont très territoriales et elles n'aiment pas ça quand les étrangers entrent dans leur territoire. Ils perçoivent leur propriétaire, ou en tout cas leur maître, comme s'ils faisaient partie de leur groupe. Et ils sont capables de distinguer leurs propriétaires de d'autres humains. Donc, les oies, comme les oiseaux, ont une excellente vision. Les yeux humains ont environ... ont exactement trois senseurs de couleurs dans les yeux, ce qui combine les couleurs et ensuite c'est envoyé au cerveau, alors que les oiseaux en ont quatre. La quatrième, ils différencient, ils voient l'ultraviolet. Les oiseaux. Donc, ils peuvent voir à une meilleure, à une plus lointaine distance. Et les plans rapprochés aussi sont meilleurs pour eux. Donc, les oies sont quand même assez faciles à gérer, coûtent pas vraiment cher, abordables, et elles sont très contentes si on leur donne du maïs et du gazon, du crack corn, en fait, du maïs, je crois que c'est... Crack corn, c'est pas les, le maïs sec, je crois, et du gazon, donc pour manger. Et puis, c'est ça, c'est les chiens de garde qui font plus de bruit que les autres chiens, donc c'est les oies. Ensuite, les scientifiques ont trouvé une façon de faire une fraise bleue en mettant des gènes de poisson. Ouais, donc les scientifiques... Ça goûte-tu le poisson? Ben, non. En fait, non. Les scientifiques ont modifié génétiquement des fraises pour leur permettre de résister aux températures de gel. Donc, J'ai déjà entendu parler de ça. C'est ça très me dit cool. Vaguement quelque chose. Donc, ils ont transféré artificiellement les gènes d'une espèce de poisson, qui est le Arctic Flounder Fish, donc, qui produit un antigel qui lui permet de se protéger contre les eaux. C'est pour ça que c'est bleu, c'est de l'antigel. C'est de l'antigel, exactement, mais en meilleur. Donc, ils ont isolé le gel qui produit cet antigel-là. Le gène, est-ce que j'ai bien dit le gène qui produit cet antigel-là? Ils l'ont amené dans la fraise. Le résultat, donc, c'est une fraise qui est bleue d'apparence, mais qui ne devient pas molle, ne se dégrade pas lorsqu'elle est placée dans le congélateur. Donc, c'est pas en production en ce moment, on peut pas les acheter, mais la recherche continue. Non, mais c'est intéressant. Peut-être ça. Que ça goûtait le poisson, je sais pas, j'ai reculé, ça dit pas. Ouais. Ça le dit pas. Un homme s'est déjà battu contre un ours, a été laissé pour mort, a rampé pendant des kilomètres et des kilomètres pour revenir à sa ville. On connaît pas beaucoup Hugh Glass, mais il est célèbre pour avoir été violenté par un ours. C'était un trappeur américain au début des années 1800. Glass cherchait, dans le fond, pour une expédition en 1823. Il est tombé sur un ours grizzly et ses deux enfants. L'ours a foncé vers Glass, l'a pris dans ses bras, dans ses pattes, l'a lancé par terre avant qu'il puisse ramasser son arme à feu. Glass, pas le... l'ours. Donc, il s'est levé et a commencé à poignarder le grizzly. Pendant que le grizzly essayait, ben, en fait, lui faisait des griffes dans la face ou peu importe sur son corps. Glass a réussi à tuer l'ours avec l'aide de ses deux partenaires. Il était avec deux personnes. Mais il était beaucoup, très, très blessé finalement. Il y avait des plaies partout. Il était inconscient à la fin de cette mésaventure-là. Convaincu que l'homme ne survivrait pas, Glass, son supérieur et les deux partenaires de Glass. Le supérieur a demandé aux deux partenaires de Glass de rester avec lui jusqu'à ce qu'il meure et ensuite de l'enterrer. C'est ce que le supérieur avait demandé. Les partenaires ont finalement pris les choses de Glass, pensaient qu'il allait vraiment mourir. Ils sont partis en courant. Ils disaient qu'il y avait des Indiens qui s'en venaient. Donc Glass a repris conscience. Il avait la jambe cassée, des plaies sur son dos qui exposaient ses côtes. Il y a des maudits bons chums. Mais ça, des très bons chums. Donc, ça exposait ses côtes dans son dos. Et il était abandonné sans aucun équipement, sans aucune arme. Donc, son fusil a été enlevé aussi. Il était à 200 000 de la ville la plus proche. C'est 321,869 kilomètres. T'es parfaite, Steph. T'es parfaite. Donc, il s'est mis sur le dos. Sur une bûche qui est en train de pourrir. Il a permis aux insectes, aux bébites, de manger la peau morte pour s'empêcher d'avoir la gangrène. Okay? Donc, Glass a rampé jusqu'à la rivière Cheyenne. Il s'est fabriqué un raft sur lequel flotter. Il s'est rendu jusqu'à Fort Kiowa et a commencé à récupérer. À ce moment-là, il voulait vraiment prendre sa revanche contre ses deux partenaires qu'il avait abandonnés. Donc, il a fini par finalement en laisser un vivre parce qu'il était trop jeune pour juger correctement les choses. Donc, il lui l'a pardonné. Et l'autre, il l'a aussi laissé partir parce qu'il s'était inscrit dans l'armée. Mais finalement, il a réussi à retrouver son arme, son fusil du début de l'histoire. Donc, Je comprends même pas comment il est encore en vie. Ouais. Pourquoi il est pas mort? Impossible. Je comprends pas. Ça s'appelle du talent, de la débrouillardise et un paquet d'affaires comme ça. De la puissance, de la force. Cet homme est un dieu. Sûrement que ce qu'il n'a pas fait, c'est prier que Dieu le sauve. Ça ne doit pas être ça, sa solution. Parce que s'il avait fait ça, il serait mort. Exactement. Ensuite, c'est un poisson de 60 pieds de longueur et 600 livres de poids. C'est la source, probablement, nous dit-on, des mythes du serpent des mers. Donc, le oarfish qui peut grandir jusqu'à 56 pieds de long, peser 600 livres, comme on a dit, il vit dans toutes les températures des océans tropicaux. Donc, ils sont rarement vus, par contre, parce qu'ils sont normalement très, très profondément dans l'eau. Ils fréquentent des profondeurs de 3000 pieds environ. Si vous trouvez un de ces oarfish, ces énormes poissons, vous avez peut-être vu des photos circuler une fois de temps en temps. Il y en a qui sont photoshopés, mais celle-là, ce serait une vraie. Vous n'allez pas vraiment être en danger si vous rencontrez un oarfish. Non. En plus de passer toute la vie dans les profondeurs de la mer, ils n'ont pas de dents visibles. Ils mangent surtout des zooplanctons et à l'occasion d'autres petites créatures de l'océan, telles que les crevettes. Miam. Ouais, ils ont du goût. Ben, mais on rencontre rarement des Horfish. Le premier qu'on a vu confirmé était en 2008. La plupart des Horfish qu'on rencontre sont morts ou en train de mourir à la surface ou près de la surface de l'eau ou encore sur le bord d'une plage. Le plus profond qu'on les a vus de nos yeux vus, hein, entre 450 et 500 pieds de profondeur, ça faisait partie d'un projet scientifique. C'est cool, hein? C'est vraiment spécial. Un énorme poisson. C'est juste gigantesque. Ça n'a juste pas d'allure. Ils sont vraiment nombreux à les tenir. Horfish, en français, on l'appelle ça un poisson-serpent. Littéralement. Ouais, mais c'est très long. C'est très long. Ils sont trois sur la première photo et une bonne vingtaine sur la deuxième. Ouais, minimum. Sur assemblagerequis.com. Ils sont une vingtaine sur assemblagerequis.com? Vingtaine en ce moment même, en train d'aller voir les photos pour suivre à maison. Pas en voiture, s'il vous plaît. On continue avec un tatou. Tu connais l'animal, le tatou? Oui, oui. Un armadillo. Donc, il y a 2 millions d'années, un gros type de tatou d'armadillo donc se promenait dans les swamps de l'Amérique du Sud, 10 pieds de longueur, qui pesait une tonne. Ces glyptodons, étaient des herbivores avec un gros dôme sur le dos. Aucun lien avec l'émission de Stephen King. C'est ça, Stephen King? Donc, ces créatures-là... Stéphane Roy. Ouais, ça puis Caméra Café, c'est vraiment le même calibre. Seigneur. Donc, ces créatures-là se promenaient avec leurs petites jambes toutes petites et leurs très, très courts coups aussi, avec une tête très, très plate sur le dessus. Donc, ils n'avaient pas les queues de leurs membres de la même famille, les dodicurus. Les dodécagones. Mais, donc, c'est ça. Une fois qu'ils étaient à l'intérieur de leur carapace vraiment solide, ils étaient presque immunisés à des prédateurs, excepté des humains, bien sûr. Les humains sont là pour tout gâcher, hein. Parce que le glyptodon a survécu jusqu'à quand même assez tard, mais ensuite, on arrive aux humains. Et comme d'autres espèces en extinction se sont fait convenant à débarrasser de la Terre. Donc, ce tatou a été chassé jusqu'à l'extinction par les premiers êtres humains en Amérique du Sud. Bien sûr, ils ont pu manger la viande à l'intérieur parce que c'était une très grosse créature. Donc, ils avaient beaucoup de viande à rire. Hein? On dit qu'on utilisait aussi leur coquille comme toit contre la pluie et la neige en dessous d'une carapace de tatou. Ouais. Étant donné que ça a été trop chassé, le glyptodon est en extinction depuis environ 10 000 ans. Ben, ouais. C'est aussi bien de même. C'était peur, hein, ça? Gros de même. Mais hein, là. On a quand même parlé de 10 pieds de long. Voilà. C'est... Ouais. Ensuite, les oiseaux, les pigeons voyageurs, qu'on appelle des fois les oiseaux voyageurs, quand c'est pas des pigeons, hein, ça peut arriver, sont connus pour leur héroïsme. En fait, ils vont au-delà de leur, entre guillemets, fonctionnalité prévue. Ils performent des tâches que les gens pensaient impossibles. Pendant la Première Guerre mondiale, ces oiseaux-là, surtout des pigeons, étaient utilisés pour transporter des messages, des lignes de combat, finalement. Souvent, ils se faisaient tirer par les soldats ennemis. Mais un bataillon de la 77e division doit sa vie à un de ces oiseaux-là, qui est Cher Ami. C'est un oiseau. Ah. Cher Ami. Le 3 octobre 1918, plus de 500 soldats américains étaient pris derrière les lignes ennemies, sans aucune façon de pouvoir sortir de là. Ils ont commencé à recevoir des tirs, des friendly fire, donc des tirs d'amis, si on veut, des tirs par ta propre gang, de leurs propres troupes, qui ne savaient pas où ils étaient situés. Donc, Whitney a envoyé 3 pigeons. Les 2 premiers se sont fait tirer presque immédiatement après avoir commencé à voler. Le 3e, Cher Ami, a réussi à s'envoler et à livrer le message à 25 000 de là, 65 minutes de distance. Après avoir perdu un œil, une jambe, une patte, et s'être fait tirer dans la poitrine, il a quand même réussi. Mais voyons donc! Et le message était, je cite, « Nous sommes sur la route... » Je prendrais une grosse poutine sauce brune. Ah, tu gâches toute l'émotion de la chose. Nous sommes sur la route parallèle au 276.4. Notre propre artillerie commence à nous lancer, à tirer des balles directement dessus. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà. For heaven's sake. Bon. Stop it. Mais ça a-tu marché, là? Ils ont arrêté de lui tirer dessus? Ben, en fait, oui. Ils ont pu survivre. Les hommes ont finalement été sauvés. Bon, c'est bien, c'est une belle histoire. Ça précise pas si c'est tous les hommes, mais ça dit les hommes ont été sauvés. Cher Ami a vécu encore un petit bout de temps et après ça, il est mort de ses blessures, malheureusement. Mais écoute, si ça l'a sauvé, ils ont bien fait de l'appeler comme ça, Cher Ami. En effet. C'est un vrai ami. Ah, que c'est beau. On va un petit peu plus trash avec du vin au bébé souris. C'est une boisson traditionnelle en Chine et en Corée. Alors, on appelle ça un tonique de santé. Donc, c'est supposé goûter comme le gaz cru, donc du gaz tel quel, sans ajout et rien. Ça doit être bon. Ouais, mais les bébés souris sont donc pris de leur mère, volés, je dirais, de leur mère, alors que les yeux sont toujours fermés. Ils sont placés dans du vin de riz, alors qu'ils sont toujours vivants. Donc, on les laisse là se noyer et ensuite fermenter. C'est pas juste une souris, en fait, il y a plusieurs souris qui flottent au fond de la bouteille. On croit que ça peut soulager l'asthme, la maladie du, enfin, les maladies du foie. Il y a un paquet d'autres maladies comme ça. Après avoir bu le vin, t'es supposé manger la souris morte. Ouais. Non, non. Non, ouais. En Chine, non. Ils ont aussi non seulement du vin à souris, mais aussi du vin au serpent. C'est le même concept, excepté qu'il y a évidemment des serpents au fond de la bouteille. Ça spécifie pas, par contre, si t'es super fait. Ça demande la question, ça pose la question dans l'article si on est supposé manger le cobra. Mais étant donné que c'est empoisonné, cette sorte de serpent-là, je ne crois pas. Non, non, mais t'enlèves les glandes. Avant de le mettre dans la bouteille, peut-être. Je sais pas comment ils font ça. Ben oui. Ouais. Ben je veux dire, déjà, quand t'es. Tu sais, ils en mangent des cobras, puis ça fait comme ouais. Ça. Quand ils épognent, ils doivent tout simplement enlever les crocs avec les glandes. Là. Peut-être. Et t'as raison, c'est spécifiquement des cobras qu'on utilise dans ce vin au serpent. Ben. Ensuite, est-ce que tu connais l'animal qui est le wombat? Oui. Ouais. En français, est-ce qu'il y a un animal? C'est le wombat. Le wombat je crois, aussi, ouais. Parfait. Donc, le wombat qui est un animal marsupien, finalement, qui était déjà en Australie. C'est dans leur plus proche frère, et le koala. Donc, lorsque les wombats vont à la salle de bain, leur caca sort en cube. Ouais, ils ont des muscles et des os spéciaux dans leur dos qui permettent de former ces crottes-là en de petits cubes. Les wombats, naturellement, ont une très mauvaise vue, une très mauvaise vision. Ce qui cause problème. Là, parce qu'ils sortent seulement à la pénombre et lorsque le soleil n'est pas tout à fait levé ou couché. Mm-hmm. Donc, les wombats vivent sous la terre. Voilà. Comme non. Des grosses taupes. Est-ce que c'est sous la terre? Je crois pas. Je crois pas que ce soit sous la terre. Ça dit « underground burrows ». Donc, je crois dans des endroits qui sont peut-être un petit peu... en tout cas, bref. Peu importe, là, c'est pas le fait important. Mais étant donné leur mauvaise vision, ils ont la difficulté à revenir à la maison là, après avoir mangé. Donc, avant de sortir, ils vont placer leur crotte cubique sur des roches pour être capable de retrouver leur chemin. C'est comme des miettes de pain à la place. Hein? Le petit poussé. Le petit poussé. Ben voilà. Mais pourquoi est-ce à la place, que... c'est le petit poussé. Poussé. Oh. Poussé. C'est le petit poussé. Moi, je l'aime, celle-là. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on disait sur... Ben, moi, mais pourquoi carré? Ben, pourquoi... Ben, c'est ça. Pourquoi cubique? En fait, je te l'explique, Steph. Pour commencer, chaque excrément de wombat est différent. Ils ont une odeur particulière. Donc, pas chaque crotte individuellement, mais les crottes de chaque animal individuellement. Ouais. Donc, lorsqu'ils reviennent à la maison, ils vont suivre les odeurs. Mais pourquoi est-ce que c'est cubique? C'est que la plupart des crottes seraient rondes, sphériques, mais placées sur une roche, elles retomberaient par terre et donc les wombats se perdraient. C'est ce qu'on dit mais comme théorie. Donc, à la place, les cubes sont placés sur des roches, tiennent là, complètement. Tu peux me dire quelle sorte d'évolution de la nature a permis ça? Ouais. En effet, et pourquoi est-ce qu'ils mettent ça sur une roche absolument? Pourquoi est-ce que c'est pas... Parce que sur le gazon, ça serait tout... Mais il y a peut-être pas de gazon, là, ce qui pas reste. Pas de gazon, de terre, peut-être que... Je sais pas. C'est bon. Bizarre. Sur des roches. Bon. Mais là, il faut qu'ils l'enlèvent après. Ouais. Quand il est revenu chez eux, qu'ils enlèvent à mesure. C'est ça. Ah, c'est... Puis quand tu t'en vas, faut que tu aies envie de faire gagner. Ouais. Tu mets où les crottes quand t'es... En tout cas, plein de questions. Lorsqu'on se frotte la chatte, attention. Donc les chats ont toujours été disons leur réputation c'est qu'ils sont froids, ils sont pas très très genre remplis d'amour. En fait, ils veulent tout le temps te tuer. C'est ce qu'on dit, c'est le stéréotype. Ouais. Mais c'est complètement incorrect. Hein? L'amour, en fait, est dans leur biologie. Ils ont la capacité de relâcher des phéromones, un type de communication via l'odeur. Donc lorsqu'un chat frotte sa jambe sur toi. Il performe. Sa jambe, lorsqu'il se frotte contre ta jambe. Lorsqu'il se frotte contre ta jambe, tout à fait. Tout à fait. Donc, il performe une tâche sociale complexe. Voilà. Donc, qui fait en fait que t'es comme dans sa famille. Si on veut. Donc, chaque chat a sa propre odeur. Lorsque ça se mélange avec un identifiant spécial d'une autre créature, un groupe d'odeurs est créé. Donc, avec toi, il y a un groupe d'odeurs. Donc, le chat va appuyer son côté, en fait, sa bedaine, souvent, ou sinon son dos, des trucs comme ça, contre toi. Ça va relâcher des phéromones sur toi et ça va augmenter le lien que tu as avec son groupe d'odeurs. Donc, c'est que ton chat te dit qu'il t'appartient et que tu lui appartiens. C'est comme une notion assez c'est romantique. Beau. Mais ça veut dire, quand il se penche, je te donne un coup de tête dans le front. Ouais. J'imagine que c'est un peu le même principe. Sauf que des fois, elle charge dans mes lunettes. Là. Parce que, elle est vraiment pleine d'amour, là, puis elle se donne un élan, et pas! Moi, c'est qu'elle squirt de la morve de son nez tout le temps. Là, une petite lunette. Là, c'est belle fun. Ensuite. je dis ensuite, mais je pense qu'on pourrait arrêter là. Hein. On pourrait arrêter éventuellement. Oh! De faire des faits. On arrête avec le chat qui mord. Je trouve que c'est bien comme fin, non? Le chat qui mord? Le chat qui mord. Pourquoi pas? Je vais t'en faire un dernier. C'est le sœur à Shakira. Je me demande si t'en veux un dernier. Chat qui mord. Je vais t'en faire un dernier. Ça. Oh, yeah, OK. C'est le Zunky qui est un mélange entre un zèbre et un âne. Un donkey. Un ouais, Zunky. Ouais. tellement mignon que Disney veut les droits. Ça aurait pu être entre un zèbre et un singe aussi. Ça aurait pu, monkey, tout à fait, bien dit. Donc, dans la ville romantique de Florence, en Italie, il y a un très rare acte d'amour entre un zèbre nommé Martin, hein, et un âne nommé Giada, qui a mené à la naissance d'un zonky nommé Hippo, I-P-P-O. C'est ça, Martin qui a finalement sauté, qui a sauté par-dessus la clôture d'un endroit où il était gardé, pour les animaux abusés. Donc, il a réussi à lever la porte de l'endroit où il était. Et seulement 12 mois plus tard, donc qui est la longueur d'ailleurs d'une grossesse d'un âne, tout le monde a appris qu'il y avait eu un rendez-vous romantique entre les deux. Donc, dans le fond, il y avait un des animaux qui était sorti de l'endroit où il était pour aller copuler avec l'autre. Et ça a créé finalement, 12 mois plus tard, ce zonky-là. Donc, Hippo, qui est un animal adorable avec les jambes à bandes de zèbre. Mais sa bosse et son visage ressemblent plus à un âne. Donc, c'est l'attraction touristique, évidemment, de l'endroit où il est. Et il y a des centaines de gens qui viennent l'adorer, qui recherchent son attention. Donc, la ferme Aglietti, gérée par la famille Aglietti, a sauvé l'animal. C'est ça. Je pense qu'ils sauvent des animaux de cirque et tout ça. Donc, des animaux qui sont maltraités. Et puis, donc, ils ont accueilli Hippo. Écoute, tu parles de ça, je trouve ça très drôle. Je viens d'allumer. Cette semaine, ou la semaine dernière, où tricheurs ils ont posé cette question-là. Okay. Ouais. En français, c'est un bardot, B-A-R-D-O-T. Et c'est le mélange entre l'âne et le zèbre, c'est un bardot, B-A-R-D-O-T. Il n'y a pas de jeu de mots non, quelconque. C'est ça. C'est ça, c'est le croisement entre les deux. Wow! OK. Bref, et la famille... c'est génial comme information, mais j'aurais jamais pensé ça. La famille Aglietti qui a reçu des demandes... les gens veulent acheter l'image d'Hippo pour une compagnie de jouets et aussi une autre de Disney qui voulait faire un dessin animé avec Hippo. Voilà. C'est vraiment cute, là. C'est vraiment, vraiment cute parce qu'il y a l'air d'un âne, sauf les pattes qui sont comme zébrées puis petite face dedans. Oh, c'est cute. Ouais. Mais j'avoue, je peux comprendre si en français on a choisi un mot qui était complètement autre, genre à part des jeux de mots. T'sais, moi, j'aime bien l'aspect jeu de mots de mélanger deux mots ensemble. Mais c'est que côté évolution, j'imagine qu'il y a plein d'animaux qui ont fourré ensemble puis que ça a donné d'autres animaux puis on les a pas nommés pour autant. Il y a la mule qui est un mélange entre l'âne et le cheval, si je me trompe pas. Entre le cheval et l'âne, donc ce serait un horsey ou un dunce, je sais pas. Fait que tu vois, c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être en revenir parce que l'évolution va continuer. Il va perdre les caractéristiques du zèbre puis de l'âne. De toute façon, ça va devenir juste un âne avec les pattes marbrées. On sait pas, là. Donc voilà. C'est tout pour C'est un fait. Pour aujourd'hui, on fait ça les lundis. Assemblage requis dorénavant en fin d'émission. Et c'est parfait. C'est parfait de même. Mais nous, pour l'instant, c'est la fin de l'assemblage requis. Hein? Oui. Déjà? Non. Mais on va être de retour lundi, mardi. Comment? Pardon, quel jour? Mardi. Non, on va être là cette semaine. Cette semaine, tous les jours, entre 6h30 et 9h30. Demain, en émission, étant donné qu'on sera mardi, on va avoir sa plus simple expression, les collègues de Stéphanie Paradis. Mm-hmm. Sa plus simple expression, oui. Et Sébastien F. Gartin et Myriam Lortie du journal Zone Campus seront avec nous. Restez sur nos ondes, le dîner de cons s'en vient à 11h, suivi des coups des franges, mais pour l'instant, ce sera Génie en liberté qui s'en vient dans quelques minutes. On se quitte sur une chanson de KPLR, ça s'appelle Scaphandre, et on se retrouve demain, 6h30, en direct à partir de 7h30. Bonne journée, Steph. Bonne journée, Mathieu. On remercie Alexandra Carignan et David Ferron. Oui. Bye. Et Marie Melon, de passage très court, mon lucky out. C'était featuring, si on fait la place d'être feet, c'était hands, parce qu'elle a des petites mains au dessin. À demain. Faites-vous en pas si j'hallucine, si j'écris des noms à l'encre de chine partout sur les